chanson dans le cœur, une mélodie en accord majeur, un rythme qui sonne, des mots qui résonnent, un refrain que l'on fredonne. C'est la musique qui nous rassemble, qui nous fait chanter, danser ensemble. Un air de guitare, un piano dans un bar, un musicien qui joue dans le noir. Chantez pour tous ceux qui s'aiment, chantez pour les cœurs qui saignent, chantez les joies et les peines, chantez à en perdre haleine. Dansez avec ceux qu'on aime, dansez pour les soirs de fête, dansez à chaque seconde, dansez jusqu'au bout du monde. On a tous une chance. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Gemozo 107 FM. Merci d'être à l'écoute. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur le web www.radiogemozo.eu et tous nos amis Facebook. Alors, plus de 600 personnes ont vu notre publication pour l'émission de ce jeudi. Bonjour le Québec, il est 11h. D'habitude il est 10h, mais là il y a le décalage horaire. Des bisous à ma petite équipe, merci de me suivre encore et encore pour cette saison 2, épisode 1. C'est bon, ma petite note d'humour du jour. Bonjour Mika. Bonjour Julien. À la régisson. Comment vas-tu Mika? Ça va très bien. Ça va bien, bah, écoute, merci d'être là. Mais cet merci après-midi, c'est gentil à toi. Vous êtes avec Gilou dans les années bonheur, je vous accompagne jusqu'à 17h30. Pour mon retour sur les ondes en direct, j'ai le plaisir de recevoir par téléphone mon ami Thierry Brenner, auteur de plus de 2000 chansons. Mais pour cette émission, Thierry va nous parler de son roman autobiographique intitulé « Au bout ». Avant de rejoindre mon invité, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages sur la page Facebook de notre radio, ainsi que sur la page Gilles Mougel officielle. Bien sûr, je transmettrai en direct à Thierry. Alors, vous pouvez aussi nous appeler au 03 29 62 40 40. Soyez à l'écoute, car aujourd'hui, il y a deux beaux cadeaux. Thierry va vous faire gagner deux e-books de son livre « Au bout ». Donc, soyez attentifs tout au long de cette émission aux questions que je vous poserai. Voilà, je rejoins maintenant Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour Gilles, bonjour Michael, toute l'équipe de Radio Gemozo, et puis je salue également le Québec qui nous écoute. Voilà, le Québec est à l'écoute. Il y a une petite heure de décalage hein, par rapport à nous, mais voilà. Donc merci Thierry d'être sur nos ondes cet après-midi. Ça fait... Merci à vous de m'avoir invité. Mais c'est avec plaisir, et puis comme je voulais dire quand même, ouf, on y est arrivé. Oui. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Les difficultés que vous aviez eues, bon, mais ce sont des choses qui arrivent. Oui, voilà, c'est la radio aussi, je sais ce que c'est. Oui, bien sûr, oui, tu es un homme de radio aussi, on en parlera plus tard, hein, bien sûr. Oui, tout à fait. Alors Thierry, juste pour nos auditeurs, nos auditrices, et voilà, tous ceux qui nous suivent, rappelle-nous de quelle région tu es. Alors aujourd'hui, je suis dans le Poitou, mais oui, j'ai vécu plus d'une quarantaine d'années en Alsace. En Alsace, voilà. Oui, ça, à Mulhouse, très exactement. Hein. Oui, c'est vrai. Mmh. Alors, bon, je rappelle que tu es auteur de plus de 2000 chansons, oui, pour de nombreux artistes de tous univers musical. Absolument. J'insiste là-dessus. Hein, ouais. Christian Delagrange. Voilà, qu'on avait reçu c'était en fin de saison, hein, avant l'été, Christian, on l'avait reçu, voilà. Tu as écrit une belle chanson pour lui. Donc je précise ça parce que ça fera partie, alors voilà, bon, des petites questions pour... j'ai précisé qu'il y aurait deux e-books de ton livre à gagner. Hein, oui. Voilà. Donc, mais je veux dire, aujourd'hui, tu as pris ta plume d'auteur là pour ton autobiographie, oui, pour écrire ce roman et intitulé. C'est arrivé un petit peu bizarrement tout ça. Jamais je ne me serais cru capable d'écrire un livre. J'avais l'habitude d'écrire des chansons, mais des chansons, c'est des petites scénettes de 3 minutes, en fait. Et là, écrire tout un bouquin, et qui plus est de plus de 500 pages... Oui. Si on me l'avait dit, je l'aurais pas cru, honnêtement. Hein. Ah, et il a fallu, un petit accident de santé, un burn-out. Oui. C'était le départ de toute cette histoire, parce que on se retrouve forcément immobilisé un petit peu. On est on doit avoir moins de stress, on va dire, parce que Dieu sait que ce métier au niveau stress c'est stressant, bien sûr. Épuisant. Ouais. Et justement parce que j'étais épuisé, je me suis posé loin des réseaux sociaux pendant pratiquement un mois, deux mois, et j'ai commencé à écrire. Parce qu'écrire me faisait du bien, écrire commençait à me soigner, et puis tout d'un coup sont apparus des flashs de plus en plus précis, en fait, de ma vie. Oui. Mmh. Et c'est comme ça que toute l'histoire a commencé. Bien sûr. Je me suis retrouvé avec un puzzle et des morceaux complètement éparpillés, et à moi de faire le tri. D'accord. Mais ce roman, cette autobiographie, était un exutoire pour toi. Ah, totalement. Ça, hein, totalement. Hein, voilà. Totalement, je le revendique, oui. D'accord. Donc, c'est vrai que, tu nous l'expliques, hein, le 22 août 2018, là, donc voilà, c'est là, à ce moment-là, que tu es. Voilà, que tu fais le. Le burn-out. C'est exactement ça. Ouais. Le corps est secoué. Enfin, voilà. Puis, quand on se réveille de ça, on est un homme différent. Oui. On prend conscience que là, on a peut-être joué un peu trop avec la vie. Oui, bien voilà. Sûr. Ouais. Et donc, il faut reconsidérer sa façon d'être. D'accord. Mais là, donc, rassure-nous, tout va bien. Là, tout va bien. Tout va bien. Voilà. Tu as repris les écritures. J'ai repris les rênes. Tu as repris les rênes et tout. Mais comme on disait toujours, hein, c'est vrai que c'est toujours stressant. Mais bon, si tout va bien, c'est le principal. Oui. Voilà. Donc, au début de ton roman, Thierry, tu es dans la partie avant-propos. Oui. Que tu adresses à ton fils. Tout à fait. Bon, je pense que ton fils, on en parlera aussi plus tard. Si tu veux. Mais est-ce que tu me permets de lire juste quelques lignes? Mais il n'y a pas de problème. De cet avant-propos, hein, que tu adresses à ton fils. Donc, si un jour te vient l'idée de feuilleter ces pages témoins de mon passage sur Terre, apprends que l'homme sage que je suis devenu, tout ce que je n'ai pas eu l'occasion de te confier jusqu'alors, non, je ne suis pas riche au sens où la société voudrait me formater, je suis 100 000 fois plus riche de mes rencontres, de mes nombreux échecs, que je préfère renommer expérience et les quelques réussites qui ont jalonné mon parcours initiatique. Voilà ce que je voulais dire en préambule, hein, sur cet avant-propos, hein, de ton roman, Thierry. Voilà. Oui. Et je voulais dire aussi, c'est vrai que ton fils, sûrement, bien sûr, a vécu des choses, enfin, je veux dire, notamment de ton problème, hein, du burn-out, tout ça. Et puis, mais je veux dire que ça va être un très beau cadeau pour lui. Oui, quand il le lira. Quand il le lira. je veux pas en faire dans le morbide, hein. Non, mais je veux dire, plus tard, bien plus tard. Oui. Il aura les traces de son papa, de toute la famille, de tout ce qu'il y a. Totalement. Voilà. C'est pour ça que je l'ai fait au départ. Parce que je me suis dit, quand il manque quelque chose dans une famille, quand on n'arrive pas à reconstituer d'où on vient, d'où viennent nos ascendants, ce qu'ils ont fait, et la portée qu'ils ont encore émotionnellement sur nous depuis l'autre côté, oui. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose à dire là-dessus. Et à lui expliquer. Bien sûr, ouais. C'est vrai que ça manque quand des parties de vie, enfin de la famille qui ne sont plus là. Oui. C'est vrai que c'est. Les témoignages s'éteignent, en fait. Et ça, c'est très très grave parce qu'on perd des pans du passé qui ne reviendront plus, en fait. Oui, bien sûr, oui. Alors, si tu veux bien, Thierry, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé la façon dont tu as, on en avait parlé ensemble, hein, mais la façon dont tu as écrit ce roman autobiographique. Oui. Hein, des chapitres pas trop longs, les passages flashback. En fait, c'est construit comme un film. Oui. Dans un film, on saute très facilement d'une scène à l'autre et personne ne se pose de question si le type qui était habillé en noir est tout d'un coup en short, ouais. dans un appartement quelque part. Mais je suis parti un petit peu de ce principe-là, avoir une vision très cinématographique en fait de mon roman. Et c'est pour ça qu'on saute comme ça de décennie en une autre. Et je pense que les gens, au début, ça va les déstabiliser un petit peu, c'est tout à fait normal. Oui, et finalement, vous vous apercevrez très vite, au cours des chapitres, que tout est lié. C'est vrai. Et puis ça donne, je veux dire, ça donne un petit peu de suspense. Enfin, je veux dire, on a envie de repasser tout de suite, de savoir. Hein, on lit un chapitre et puis bon, après on repart sur une année, mais on se dit après qu'est-ce qui va se passer ? Voilà. On n'a peut-être pas la suite tout de suite, mais on va peut-être l'avoir deux chapitres plus tard. Voilà. Voilà. Et tout se suit comme ça, en fait. Donc, c'est un petit jeu que je propose, en fait, au lecteur, parce qu'il y a un côté ludique hein, dans ce livre. Le livre parle au lecteur aussi. Hein. Il est taquine. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de choses. C'est moi. Voilà. D'accord. Mais je voulais préciser quand même que, bon, nous, les lecteurs... Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça. Oui, oui. Quand j'ai lu ton livre, je veux dire, sur certains chapitres, on peut se retrouver dans ton livre. Ah mais complètement. On peut se retrouver, c'est vrai que... On vit pratiquement 6 décennies. Oui. Tout le monde va s'y retrouver à un moment ou à un autre. On a tous des souvenirs communs, en fait. Bien sûr, bien sûr. Alors... on va, si tu veux, je vais faire un peu aussi flashback, moi. Hein. j'ai sélectionné un petit peu, puis on a travaillé aussi ensemble, Thierry, il faut le dire. Oui, hein, on va écouter des choses. Comme je t'ai amené des extraits, en fait, du livre audio, qui sortira certainement début d'année prochaine. Donc, il est encore en cours de réalisation, mais je t'ai déjà... emmener quelques extraits audio que tu peux faire découvrir aux gens. Bien sûr, voilà. Alors, moi, je voulais déjà revenir. Je voulais passer au printemps 76. Oui. Printemps 76, où tu dis, ce lundi-là, j'ai bien failli tuer ma grand-mère. Ah ben, bon. Oui. Ouais. Donc, lors d'un anniversaire, hein, c'est bien ça ? D'un anniversaire de mariage. D'un anniversaire de mariage, d'accord. Et là, à ce moment-là, donc ça va nous amener donc au premier chapitre, enfin au chapitre 2. Oui. Ce que je voulais dire, hein, c'est à ce moment-là, tu découvres que ta grand-mère, en fait, n'est pas ta vraie grand-mère. N'est pas ma vraie grand-mère, voilà. Mais je le découvre à 13 ans. Tu le découvres à 13 ans. On m'a caché tout ça, en fait. D'accord, ouais. Et les fouilles commencent. Les fouilles commencent. Et on se retrouve en 1944, effectivement. Voilà, et donc je pense ce chapitre que tu veux nous faire écouter. Voilà, le chapitre 2, hein, donc, qu'on va faire écouter. Hein, donc, Bombardier allié, ciel de Mulhouse. Nuit du 2 au 3 août 1944. Des bombardiers alliés dans le ciel de Mulhouse, est de la France. Depuis le 6 juin, date du débarquement, les Américains progressent à vitesse grand V pour débarrasser la France de l'occupant nazi. Nicole, ma maman a bientôt 8 ans. Mon grand-père Armand, qui tient avec son épouse Paulette l'hôtel d'Alsace dans le prolongement de la rue de Bâle, juste à côté de l'actuelle place de la République à Mulhouse, a préféré l'envoyer loin de tout conflit. Elle ira donc passer la fin de la guerre chez Mémé Caroline, loin d'ici, près de Nancy, à Conflans-Jarny, où la mère de Paulette tient avec son mari le buffet de la gare. Cette nuit du 2 au 3 août 1944, Paulette est seule à l'hôtel. Il ne reste qu'un client, un certain Paul Favard, un habitué de l'établissement. Armand n'est pas là non plus pour la seconder. Il est en cure de repos chez une vieille dame qu'il abrite à Audérenne, au fond de la vallée, où il se remet d'une crise rhumatismale aiguë. De toute manière, lui et son épouse envisagent de fermer l'hôtel et partir en direction de la Lorraine où vit toute la famille de Paulette. Nouvelle alerte aérienne. Les riverains de la place de la République viennent d'entendre les sirènes qui annoncent une nouvelle vague de bombardements. Chacun sait très bien où s'abriter, des caves étant attribuées par secteur aux habitants des différents quartiers. Dans le ciel, le pilote aux commandes du bombardier américain a eu pour mission de débarrasser la ville de l'occupant en bombardant exclusivement des bâtiments névralgiques où se concentrent les Allemands. La trappe va s'ouvrir dans quelques minutes. Mulhouse est en vue. Presque la routine pour ce brave type venu de l'Utah ou de l'Oregon est fier de rendre ce service à la France. Mais alors qu'en haut, tout paraît ordonné, répété comme à l'entraînement, en bas, les habitants cèdent à la panique. L'impact est brutal, sans appel. Le destin l'a voulu ainsi. Paulette n'a pas rejoint la cave attribuée où elle était censée se réfugier. Où peut-elle bien être à présent? Ironie du sort, la cave habituelle n'a subi aucun dommage. Dans le ciel, mission terminée, au rapport pour les bombardiers. Gentlemen, on rentre à base. La guerre n'est pas finie, la France a encore besoin de vous. Come on guys, on va les raccompagner à Berlin, ces fils d'Adolphe. Les combats terrestres se poursuivront bientôt au nord de Mulhouse, dans le quartier de Burtzwiller, où mon père André, alors âgé de 17 ans, assiste sa mère Marie et son frère Roland, d'un an son aîné, dans la boulangerie familiale. Mais qu'est-il arrivé à Paulette? Pourquoi n'a-t-elle pas rejoint la bonne cave? J'ai bien l'impression que les chances de rencontrer ma vraie grand-mère s'amenuisent au fil des heures. Au bout. Voilà. Voilà. On vient d'écouter ce chapitre 2, hein, Bombardier. Oui, donc oui. Voilà. Et on imagine après la suite, le pire pour ta grand-mère, je pense. Hein. On imagine. On imagine. Et les lecteurs le découvriront plus tard, effectivement. Les lecteurs le découvriront plus tard. Et je ne sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant pour. Sur le chapitre 11, hein, c'est donc Armand qui est ton, rappelle-moi, mon grand-père, ton grand-père, donc qui va retrouver, oui, ta grand-mère, hein, dans on va pas dire où, on va pas, hein, dire où, ouais, mais voilà quoi, qui va en tout cas la retrouver, qui va en tout cas la retrouver, voilà. Hein, donc D'où voilà, au tout début, tu apprends que c'est pas ta grand-mère, mais voilà, on te l'avait caché là quelques années. Oui, ça c'est, hein, énorme. Oui, bien sûr. C'est énorme. Surtout... Comment un secret de famille a pu tenir comme ça pendant 13 ans, en fait. Et voilà. Il a fallu que je pose une. Petite question, en fait, pourquoi on va chez mes grands-parents aujourd'hui? Pourquoi ce gâteau, des bougies, les... Oui. En fait, c'était le 20e anniversaire de mariage, mais je n'en savais strictement rien, en fait. Et mon père m'a dévoilé ça de but en blanc, prendre de gants, comme on dit. Oui. Et là, ça a été un électrochoc. Bien sûr, oui. Et puis, c'est vrai que nos grands-parents sont tellement... c'est tellement important, les grands-parents. Oui, complètement. Hein, c'est vrai, c'est on a tous des bons, enfin, a tous des bons souvenirs de nos grands-parents, tout ça, et qui, bon, bah là pour toi malheureusement qui est parti, voilà, par rapport à la guerre, quoi. Oui, tout à fait. Hein, c'est bien ça, quoi. Alors voilà, Thierry. On refait flashback. Oui. On retourne en 1963. D'accord. Ah, ça me dit quelque chose. Ça te dit quelque chose. il fallait qu'on le fasse, hein, celui-là. Donc, 1963, hein, maternité de la clinique du Diaconat. Diaconat, Mulhouse. Tout à fait. C'est le jour de ma naissance. C'est le jour de ta naissance, Thierry. Et comme j'ai dit, je suis un petit peu investi de pouvoir dans ce roman. Il y a une partie fiction, hein, c'est logique. Toutes les anecdotes sont réelles, mais par contre, effectivement, il y a une petite partie de fiction. Et j'ai le pouvoir de me transporter en 63, aller voir mes parents à la maternité. À la maternité, oui. Bah, j'ai bien aimé aussi cette façon, quand tu écris, ou même bah, il y a des moments plus tard, plus loin dans le roman, où tu converses avec ta grand-mère, si je ne dis pas de bêtises. Hein, mmh. hein, voilà, c'est, ça, ça aussi, c'est... Alors donc, donc Thierry Thunet, hein, voilà, à 6h30, voilà. Et on, donc... alors, je me démarre folle, je me suis levé d'aussi bonne heure le matin. Donc, voilà, et bon, on te surnomme Thierry. Oui. Hein, Thierry. Et alors, je lis, bon, comme ça, j'ai, bon, voilà, comme Thierry Lafronde. Oui, c'est comme ça. Comme Thierry Lafronde, ça, c'est... Oui. Ce qui passe à la télé à l'époque. À l'époque, voilà, ouais. Et donc, Thierry Lafronde, c'est un peu le chéri de ces dames. Hein. Exactement, oui. Donc, je lis, hein, qu'est-ce qu'il est mignon, cet acteur qui joue Thierry. C'est ça. Donc, c'était à l'époque Jean-Claude Drouot, hein, bien sûr. Alors, mmh. donc, ça, c'est ta maman, ta maman qui choisit de t'appeler Thierry. Oh, certainement, oui. Hein, certainement, c'est ça. Donc, voilà, naissance de Thierry. Alors, il faut. Oui, moi, j'ai peut-être un petit peu été un petit peu trop vite, non ? Oui, on l'avait mis en chapitre. Mais c'est pas grave, on va l'écouter, hein ? On va l'écouter, Thierry. Donc. On écoutera peut-être un peu de musique aussi. Oui, t'inquiète pas. Donc, on va écouter donc la naissance de Thierry, hein, chapitre 13. Voilà. Voilà, et puis après, on passera un petit peu de la musique. Pas de problème. D'accord. Chapitre 13. 14 octobre 1963. Mulhouse. Maternité de la clinique du diaconat. 6h30. Pour la première fois, maman vient de m'expulser de son corps. Il y en aura bien une seconde, mais elle arrivera beaucoup plus tard, bien des années après cet événement heureux. Pour le moment, l'heure est à la liesse. Madame Brenner, vous avez bien travaillé. C'est un petit garçon. Comment allez-vous l'appeler ? Eh bien, c'est simple. Si ça avait été une fille, nous l'aurions appelé Joël, mais comme il s'agit d'un petit bonhomme, ce sera Thierry. Comme Thierry Lafronde. Très beau choix. Vous savez, madame, moi aussi je regarde ce feuilleton à la télé sur l'ORTF. Qu'est-ce qu'il est mignon, cet acteur qui joue Thierry. Mais comment s'appelle-t-il au fait ? Jean-Claude Drouot. Toutes mes amies sont folles de lui également. C'est pas tout ça, mais il va falloir faire entrer votre mari, qui doit faire les 100 pas dans la salle des pas perdus. Oh oui, faites entrer André, il faut absolument qu'il voie son fils. L'infirmière fait entrer mon père dans la chambre. Alors ça y est, l'enfant est né. Ça y est, tu es papa, mon chéri. Et c'est quoi, une fille, un garçon ? Un garçon ? Je crois bien que papa aurait préféré une fille. Étrangement, cette naissance lui rappelle la sienne que sa grand-mère lui a jadis racontée. Quand sa mère Marie venait d'accoucher, elle avait eu ce mot malheureux à la bouche en découvrant le petit André, 4 kg et 500 g. « Encore un fils ! Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire d'un deuxième garçon, moi ?» Ces mots prononcés avec le dégoût du cœur vont en effet conditionner l'existence de mon père. Toute sa vie, il ne sera que le second, celui qui passe après le premier. Sa mère, ayant une complicité particulière avec Roland, l'aîné qui devient son préféré et à qui elle passe tout, même les plus grosses bêtises. Le jour où je suis né, ma maman était donc déjà rompue à l'exercice car deux fois grand-mère des enfants de son premier fils. Une fois de plus, la hiérarchie familiale aura été respectée. André ne sera que le deuxième à se marier, puis lui donner un petit-fils. Aujourd'hui, je sais combien tout ça a pu peser dans le cœur de mon père. Mes papa et maman sont en train de parler. Ce n'est pas le moment d'en perdre une miette, il y a peut-être des choses à apprendre. Puisque tu m'as donné un garçon, va pour Thierry, il n'est pas si mal que ça après tout. Oh, toi, tu as toujours le mot pour rire. Prends-le plutôt dans tes bras. Il est trop mimi. Ça, je ne vais pas l'entendre souvent, alors je profite du moment. Vous avez d'autres compliments ? Allez-y, hein, lâchez-vous. Je vais en faire un homme, un vrai. Je sentais bien que ça allait se gâter. On n'en est pas là, mon minou. Essaie d'apprécier l'instant présent. Bientôt, toute la famille va envahir la petite chambre, poser plein de questions, vouloir prendre des photos. Alors, savourons ce joli moment tous les trois. Si seulement maman avait été là pour voir ça, elle aurait été fière de notre bébé. C'est vrai, je comprends qu'elle te manque en de pareils instants. Mon père aussi aurait été ravi d'assister à ça. Mais je l'ai perdu à 6 ans. Allez, on va arrêter de faire dans le lacrymal. Un jour pareil, tu crois pas ? Pardon, mon chéri, mais c'est moi qui ai recommencé avec ça. Tu es toute pardonnée, ma minouche. Ah, pendant que j'y pense, question pratique, comment je le déclare à l'état civil ? Au bureau, tu demandes un formulaire. T'as pas compris ? Je veux parler des autres prénoms qu'on va lui donner à ce bébé. On va essayer de faire plaisir à tout le monde. Thierry, c'est son prénom officiel. Je pense qu'on va lui donner aussi celui de mon cousin Jean-Paul. Va pour Jean-Paul, il fera un bon parrain. On pourrait également lui donner celui de Dominique, ta nièce, vu qu'elle en sera la marraine. Je pense que ça ferait plaisir au grand-père qu'on le mette également sur le coup. Oh, c'est sûr que ça va toucher papa d'ajouter Armand à son état civil. Et moi là-dedans, hein, est-ce qu'on m'a demandé mon avis ? J'ai l'impression de compter pour du beurre, alors que je suis le principal concerné. Oh oh, c'est le berceau qui vous parle. Bon, on est d'accord sur tout. Il s'appellera Thierry, Jean-Paul, Dominique, Armand. J'espère que je vais arriver à retenir tout ça. Ça commence à me filer un sacré mal de crâne. Prends un Doliprane, mon chéri. Mais que t'es bête ! On ne l'a pas encore inventé. Bon, cela dit, je vous avais dit de sauter le précédent chapitre, mais voilà qu'ils remettent ça dans celui-ci. Super. Je vais être affublé de 4 prénoms à répertorier sur tous les formulaires administratifs que je vais être appelé à remplir dans ma vie. Mais c'est mal me connaître, ça va pas se passer comme ça. Je vais tenter une diversion. Puisque papa sort de la chambre, c'est le moment ou jamais de l'embrouiller. Hé, hey, papa ! Alors ce sera Thierry, René-Charles, Jean-Jacques, Armand. Qui c'est qui me parle, là ? Thierry, Jean-Hector, Victor, Hugo. Oh, ça recommence ! Thierry, Kenji, Lino, Edouard. La ferme, maintenant ! Thierry, Jean-Paul, Nabila. Et dire que Jeanne d'Arc aussi a entendu ses voix. Thierry, Charles Quint, Louane. Mais faites-le taire. Trop tard. Il vient d'atteindre le bureau de l'état civil. Ce sera bien Thierry, Jean-Paul, Dominique, Armand, le quarté dans le bon ordre avec tous les chevaux placés. J'enrage. Moi qui croyais pouvoir changer le continuum espace-temps. Mot découvert grâce au film Retour vers le futur de Robert Zemeckis, utilisation de 3 dimensions pour l'espace et d'une 4e pour le temps. Tout ça c'est bien joli, mais je vais devoir vous demander de sortir de la chambre, amis lecteurs. C'est l'heure de ma tétée. Au bout. Voilà Thierry. Ça nous a fait sourire. Oui, oui, un peu plus drôle, bien sûr. Oui, comme je disais, bon, aussi dans ton roman, il y a de l'émotion, il y a du rire, il y a de l'autodérision, il y a de la tristesse. Et là, voilà. Et donc là, c'est vrai que avec Mika, on était bien à l'écoute et on avait le sourire, hein, par rapport, bon, voilà, à tes prénoms, hein, avec les prénoms. Ben oui. Surtout en 63. Surtout, oui, oui. Mais c'est vrai. Bon, c'est vrai que c'était une grande mode. Enfin, dans ces années-là, je ne sais pas maintenant si on c'est vrai, c'était surtout de donner plusieurs prénoms. Il y avait le prénom initial, hein, bien sûr, usuel. Fait, le prénom du parrain, mais du comme parrain. La marraine avait un nom à consonance aussi bien masculine que féminine, ben voilà, j'ai hérité de Dominique. De Dominique, voilà. Donc tu t'appelles Thierry, Jean-Paul, Dominique, Armand. Et Armand, voilà. Non, je ne sais plus, ça ira très bien comme ça. Oui, oui. C'est vrai. Voilà, mais encore une fois, voilà, ce sont les gens en fait qui décident pour vous, forcément, oui. Puisque c'est pas nous, on n'est pas capable de décider à ce moment-là, en fait. Et puis le problème, c'est que ça va nous suivre toute la vie, toute notre vie, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et ça en devient un handicap, effectivement, sur tout ce qui est formulaire et tout ça, c'est très très pénible à force. C'est sûr, c'est sûr. Voilà. Je pense... Quand on voit le nombre de fois où on doit remplir des choses... Oui, oui, oui. Je pense que bon, maintenant, à cette époque actuelle, on a pu comme ça, peut-être des personnes qui ont gardé encore un petit peu ce côté... comment je veux dire, ce côté-là... Oui, un peu traditionnel. Un peu traditionnel, ouais. Voilà. Ouais. Je regarde Mika, juste pour savoir, je ne sais pas, Mika, tu as deux prénoms, ou si tu n'es pas obligé de nous dévoiler. Hein. C'est pour savoir, comme ça. Oui, oui. Il a deux prénoms aussi, Mika. Deux prénoms, d'accord. Voilà, voilà. Moi, j'en ai trois. Bon. C'était mes deux grands-pères, mon grand-père paternel et mon grand-mère maternelle. Voilà, maintenant, tout le monde va se mettre à chercher, là, du côté des auditeurs. Voilà. Alors, à cette heure-ci de l'émission, Thierry, est-ce qu'on peut poser une première question? Ah oui, alors attends, attends. Excuse-moi, j'ai un message j'ai un message à te transmettre. Oui. Alors, ça vient de... Jean Lemonnier, tu connais bien sûr. Ah, très bien. À qui je passe le bonjour et puis... Alors donc, Jean nous met bonjour Gilles et Thierry, bien à l'écoute de l'émission, très musicalement, Jean Lemonnier. Merci Jean. Voilà Jean, nous a envoyé le petit message. C'est sympa, je surveille. Hein. Oui, oui, oui. Je surveille les... Voilà, alors je pensais, est-ce qu'on pourrait peut-être poser une première question pour, bien sûr, je vais te laisser poser la question, il n'y a pas de souci. Voilà, alors la question. Alors j'en ai parlé dans mon intro. Donne peut-être d'abord le numéro de téléphone. Je vais donner le numéro de téléphone, et puis ensuite, bien sûr, donc, les personnes peuvent réagir aussi sur les réseaux sociaux. Hein. Donc je rappelle le numéro de téléphone 03 29 62 40 40 et vous nous répondez également donc sur le Facebook de notre radio et sur le Facebook Gilles Mougel officiel. Voilà. Donc je pose la question. Oui. Alors quel est le métier de Thierry Brenner? Ah, j'en ai aucune idée. Alors, je pense que toutes les personnes qui nous suivaient, tout, bon, j'en ai parlé dans l'intro, et puis j'en ai parlé quand même quelques fois à l'antenne, hein, Thierry. Oui. Hein, puisqu'il faut dire que c'est vrai que c'est la deuxième émission qu'on fait ensemble, c'est avec un grand plaisir. Je t'avais invité une première fois je ne veux pas le dire. Je ne veux pas le dire parce que je vais donner la réponse. Oui, arrêtons-nous là. Voilà, donc la question est posée. Quel est le métier de Thierry Brenner? Voilà. Est-ce qu'on fait aussi une petite pause musicale? Oui, bien sûr. Hein, on fait une petite pause musicale. Un petit medley. Et on choisit lequel? Le pop-rock ou les ballades? Oh ben on peut commencer peut-être par le pop-rock, on fera les balades tout à l'heure. Hein. On fera les balades tout à l'heure, d'accord, ok. Alors c'est parti pour le pop-rock. Tu héberges mes rêves et je crée tes liens. En 3.0 web, on se complète plutôt bien. Distance et la peine, cette ombre lointaine qui se rappelle à toi quand rien ne va. Distance et la peine, la peur incertaine qui envahit chacun de tes pas. Dis-moi déjà que tout reste possible entre nous. C'est écrit dans les gènes, au creux de mes veines. Femme, je suis femme, je me kiffe à 100%. C'est écrit dans mes veines. mes chaînes, mes failles d'ADN. Pas envie de passer ma vie à faire semblant. Je suis de toutes les pagailles, engagée et désinvolte. Je suis la vie. Soit les lendemains à construire, je te retrouverai. L'amour n'a pas de prix. Quels que soient les serments à mûrir, quelles que soient les forces à unir, je te reconnaîtrai, même si noir est la nuit. Et dire que les rivières de silence charrient nos doutes, nos méfiances et nos peurs de l'avenir aussi. Silence nous délivre de l'absence de ceux d'entre nous qui vont partir, partir. T'avais mis tant de temps à en respirer l'air par la faute des vents. Voilà que tout est à refaire. Assure-toi que jamais sous nous ne s'écroulent les voûtes du ciel. Dans cette ville, c'est le d'après, ça n'a plus rien d'un secret, on guérit de tout. Dans cette ville, le temps promet, il n'y a que ça le vrai, on guérit de tout. Medley pop rock. Voilà. Voilà. On vient d'écouter un petit peu de musique, hein. Oui, complètement. Voilà, un petit et peu puis, pour. La musique, c'est pas quelque chose qui est totalement absent de ma vie. Ah ben, bien sûr, ça c'est sûr. Alors, on vient d'écouter de la musique, Thierry. Oui. Moi, je partirais bien maintenant faire un petit tour au cinéma. Ah oui. Oui. Avec c'est intéressant, effectivement. Avec Nicole et André. Maman m'a un jour raconté ça. Oui. Elle m'a dit, tu sais, papa, lors de notre deuxième rencontre, m'a emmené au cinéma et tu devineras jamais quel film il m'a fait voir. Ouais. Et je suis parti de ça pour raconter cette histoire complètement dingue. C'est vrai que, bon, faut dire, bon, ta maman s'attendait à aller donc voir un film. On va dire un film d'époque, genre West Side Story, par exemple. Ouais, voilà, ou peut-être un film romantique, quelque chose de. Ah, mais totalement, totalement. Ah oui, comme tu dis, ou une comédie musicale ou quelque chose. La surprise en sera encore plus belle, on va dire. Encore plus belle. Avant qu'on l'écoute, hein, puisque voilà, on a aussi la version audio, hein, oui, qu'on va écouter. Alors moi, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, tout un chacun peut se retrouver un petit peu dans ton roman. Moi, ça m'est arrivé, ça. Mm-hmm. Ouais, bon, je vais pas citer de personne, mais je veux dire, voilà, j'ai connu quelqu'un, et puis nous sommes allés au cinéma, c'était au début de notre rencontre. Il y a Mika qui me fait signe, je suis en train de jouer du violon, là, tu vois. C'est incroyable. Donc, nous sommes allés au cinéma, et puis pareil, moi, je m'attendais à voir un petit film sympa, tu vois, et on est tombé sur un film, c'était, je sais plus le nom, elle va peut-être me le dire. Bon, ben voilà, c'est pour dire, quoi, je veux dire, voilà, ça m'a fait sourire, quand j'ai lu ce chapitre-là, tu vois. Hein, de tes parents, quoi, qui se rencontrent et qui vont au cinéma. Et je dis, voilà, on peut se retrouver aussi, voilà. Je ne m'attendais pas à voir un film. Enfin, on a vu un film assez comment je dirais, assez sanguinaire, on va dire. Voilà, pour notre premier film, c'était assez sanguinaire, tu vois. D'accord. Voilà. Donc, est-ce qu'on écoute. Donc, pas de cinéma de Nicole et André, hein, tes parents. Alors, partons au cinéma. Partons au cinéma. 1962, Cinéma Palace, Mulhouse, Nicolas André. En 1962, on ne se balançait pas de textos pour se faire un ciné au premier rendez-vous. Aussi, en bon gentleman, André est allé demander la permission à Armand d'emmener sa fille au cinéma et bien entendu de la ramener séance tenante sitôt la projection terminée. Mais quel film a-t-il l'intention de lui montrer ? Pourquoi pas le sublimissime West Side Story qui allie la musique et la danse en y mêlant le mythe éternel de Roméo et Juliette, le tout joué par des acteurs charismatiques comme Natalie Wood et George Chakiris. Les moments les plus romantiques pourront bien servir aux deux amoureux à tenter quelques étreintes. Sauf que cette idée est la mienne, pas celle de mon père. Celui-ci a en effet quelque chose d'autre en tête, bien plus original encore. André, très cinéphile, a entendu parler d'un film tourné outre-Atlantique où le réalisateur a tenu par contrat à faire savoir à tous les exploitants de salles qu'il ne devait tolérer aucun retardataire une fois la séance débutée. Mais André et Nicole sont là à l'heure. Il parle de quoi le film que tu tiens absolument à me faire voir ? Très peu d'informations circulent, mais aux États-Unis, tout le monde court le voir. C'est le film à ne pas rater. Est-ce qu'au moins c'est romantique ? On verra bien. Si elle savait. Il est dans noir et blanc. J'aurais préféré un film en couleur. Le noir et blanc a son charme. Et puis, tu as le tien. Et toi, tu es en couleur. Il n'en faut pas plus pour faire rougir ma future maman. Oh, André ! Ça y est, ça ouvre. On va prendre une place dans le fond, bien centrée par rapport à l'écran. Là, je te laisse faire. Tu t'y connais. Nicole ne le sait pas encore, car elle n'a pas fait attention à l'affiche, mais juste aperçu quelques photos noires et blancs, trop occupée à regarder André avec des yeux d'amour quand il a pris les billets au guichet. Mais le film qu'ils vont découvrir ensemble est Psychose, d'Alfred Hitchcock. Le long métrage qui allait devenir le premier grand thriller de l'histoire du cinéma en faisant supprimer la vedette, la belle Janet Leigh, au cours du premier tiers de la projection. Voilà pourquoi le film avait été interdit partout aux retardataires. Ils n'auraient pas compris que leur star n'apparaissent plus à l'écran. Après le court-métrage, les publicités, les actualités de l'époque et quelques douceurs de crème glacée servies par les hôtesses de cinéma avec leur panier d'osier attaché autour du cou, le noir se fait enfin dans la salle. Et nos amoureux découvrent la première scène où Marion, l'héroïne du film, fait main basse sur l'argent du coffre de la banque où elle travaille et s'enfuit vers son destin. C'est mon père qui m'a fait découvrir toute la filmographie de ce génial cinéaste qu'était Alfred Hitchcock. Je crois bien qu'il serait ravi d'échanger avec moi. Tiens, j'ai bien envie de tenter quelque chose. Allez. Papa ? Papa ? Thierry ? Qu'est-ce que tu fais là ? Mais comme toi, je viens voir Psychose. J'ai pas pu résister, papa. T'as pas pu résister, mais comment ça ? Ça, c'est ta faute. Faut que tu convertisses toute la famille à tes goûts. J'invente rien. Il y a juste ma sœur qui n'est pas tombée dans le panneau. Ta sœur ? Mais n'importe quoi ! J'ai des preuves. Là, tu travailles du chapeau, Thierry. Et d'abord, t'es même pas né encore. Alors comment tu sais que je m'appelle Thierry ? Ah oui, c'est vrai ça. Nicole, intriguée d'entendre parler André à haute voix, se mêle à la conversation. André, tu parles à qui ? À personne, je pense à haute voix. Regarde l'écran ma chérie ou tu vas perdre le fil de l'histoire. Puis s'adressant à ma voix venue de nulle part. Dis donc toi, tu vois pas que tu déranges ? Tu pourrais au moins parler à voix basse. Tu vois bien que je suis avec une fille. Oui, je la connais. Oh là ! J'aime pas ça. Ne me dis pas que tu es sorti avec elle. pas exactement, mais sorti de son... Laisse tomber, tu comprendras plus tard. Tu commences à me gonfler sérieusement, toi. Va t'asseoir ailleurs. Pendant ce temps, la belle Marion vient de garer sa voiture au motel. Je te laisse. Bonne fin de séance et bonne douche. Ce type est complètement frappé. Bonne douche, mais n'importe quoi. J'espère que je n'aurai jamais d'enfant comme ça, moi. Je ris encore de ma plaisanterie. Car ce n'est pas spoiler ce chef-d'œuvre. Raconter la fin d'un film pratique hélas très en vogue sur Internet. Non, ce n'est pas spoiler que citer la mythique scène de la douche où Marion se fait larder de plusieurs coups de couteau, s'accrochant désespérément au rideau de douche avant de basculer dans le fond de la baignoire avec des plans d'images à décrypter dans toutes les grandes écoles de cinéma. Voilà donc le film que papa a choisi de faire voir à maman ce dimanche-là. J'avoue que question drague, pour le côté romantique, on repassera. Mais l'idée de se servir des séquences choc pour l'abriter dans ses bras était sans doute un trait de génie d'André. Après Psychose, place à ma propre névrose. Je sais que je vais bientôt naître de l'union de ces deux-là. Mais encore va-t-il falloir penser à préparer la cérémonie de mariage. Au bout. Ah, sacré André. Non mais, ce que je veux dire, c'est vrai quand tu dis, ouais, c'est vrai que c'était pas faux, je veux dire, voilà, de que ta maman ait peur, elle se réfugie dans les bras de ton papa. Oui. Ah, c'est vrai que... Je pense qu'il l'a aussi fait quelque part un peu égoïstement. Il avait envie de voir le dernier Hitchcock. Hitchcock. Connaissant mon père, je pense que c'est tout à fait ça. Hein. Il bien voulait sûr. Pas louper le dernier Hitchcock, surtout qu'on en parlait beaucoup, beaucoup, en fait, de ce film qui a vraiment révolutionné toutes les techniques de cinéma. Hein. Bien sûr, c'est vrai que bon, Hitchcock, c'est grandiose, hein, tous ces films ah, qu'il oui, fait. C'est vrai que... Voilà. Alors moi j'ai retrouvé le film, tu sais, que j'avais été voir. Oui. C'était, alors je sais pas si Mika ou toi Thierry vous connaissez, c'est Destination Finale. Destination Finale, ça me dit. Ouais, alors c'est quelque chose. Oui, bon, c'est la mort qui guette, tu sais, des jeunes adolescents, oui, etc. Et ouais, il y a eu. La limite de l'horreur. Hein, ouais, il y a eu 5 volets. Ouais. Donc j'avais été voir le deuxième volet et bon voilà, je dis ouais, c'était pas mal. Pour voilà. Tu vois, ouais, c'est pour ça, ça m'a rappelé, en fait, voilà. Quand on n'est pas informé sur le film Destination Finale, on se dit, ah ben, c'est un voyage à Miami ou quelque chose. Oui, mais là, c'était quand même un peu chaud, quoi, quand même, hein, voilà. Donc, je vais rappeler la question, la première question, hein. Donc, comment s'appelle... quel est le véritable métier de Thierry Brenner? Voilà. On va peut-être faire 3 propositions, tout simplement. Oui, tu penses aussi, une troisième proposition? Alors... Comment s'appelle le roman de Thierry Brenner? Voilà. Très bien. J'ai cru que Thierry voulait plutôt que tu fasses choisir entre 3 propositions la réponse. Ah oui, alors... Absolument. Bah, je vais les donner tout simplement. Oui. Je suis plombier, peintre en bâtiment ou auteur de chansons. Voilà. D'accord. Ok. Donc, c'est passé. Alors, voilà. Je surveille. Moi, j'avais envie, si vous m'aviez demandé quelle proposition j'aurais mise, vu ce que vous avez raconté juste avant avec vos histoires de films d'horreur, moi, j'aurais mis Boucher. C'est bon, Mika. C'est vrai. Alors, Thierry, on va repartir là, on va se projeter dans l'année 1978. Oui. Les années collège. Histoire de vignette. Oula. Voilà. Oula. Tu vois un petit peu où je veux en venir. Tout à fait. Ah, c'est pareil, j'avais trouvé ça, ce passage aussi, là, aussi assez, assez sympathique, je dirais. C'est vrai que c'est ces histoires de vignette, parce que, voilà, encore une fois, ben, je me retrouvais un petit peu à ta place aussi. Comment une histoire banale peut gâcher toute une année de scolarité? Oui. Voilà. Hein, et aujourd'hui, malheureusement, c'est un c'est un fait que, voilà, on dénonce aujourd'hui, hein, c'est clair, c'est un thème à la mode. C'est un thème à la mode, bien sûr, ouais. Est-ce qu'à cette époque-là, c'était pas pareil ? Non. Ah, c'était pas du tout pareil ? Non, parce qu'on n'écoutait pas quand les enfants avaient peur, on les écoutait pas, on leur dit retourne à l'école et puis vas-y, voilà, c'est... Bon. Oui, c'est sûr comme que... Ça. Voilà, c'est comme ça, aujourd'hui, heureusement, les mentalités ont évolué. Bien sûr, oui. Et est-ce que ça t'a beaucoup perturbé, je veux dire, sûrement... Toute ma scolarité... Dans ta scolarité... une bonne partie de ma scolarité m'a perturbé. Oui, oui. J'aimais pas aller au collège parce que, voilà, j'étais souvent la risée de toute la classe. C'est comme ça. Ça faisait partie de mon parcours d'être un enfant différent, en fait. Oui. Et puis cette différence gênait. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai, comme on disait, à l'époque, c'est... Moi, je dis, bon, on est un petit peu près de la génération, hein, Thierry, forcément, à quelques années près, mais on est dans le même... J'irai dans le même moule, enfin dans le même, voilà. Et c'est vrai que moi, je me souviens aussi à l'école, on était très très très moqueurs. Oui. C'était peut-être pas méchant. Oui. Bon, de toute façon, ça c'est clair. Mais bon, après, de moqueur, on passe à autre chose et là, ça devient nettement moins drôle. Ah ben oui, bien sûr, oui. Moi je me souviens, bon, ben, voilà, du collège aussi, tout ça, mais je veux dire, c'est vrai qu'on était moqueurs, mais c'était on n'allait pas trop loin quand même, quoi, je veux dire, hein, c'est... Mais comme tu dis, c'est vrai qu'il y avait quand même, il faut le dire quand même, il y avait toujours une personne, enfin, je ne veux pas dire une tête de turc, hein, ça fait un peu... Aujourd'hui. Non, ça se dit plus. Non, mais c'est ça. Vrai qu'il y avait souvent dans une classe, il y avait une... C'était le terme. Hein. Oui, bien sûr. Hein, c'est vrai que... Voilà, quoi. Oui, complètement. Bon, voilà, donc ça, c'est vrai que c'est le côté qui était dur pour toi, voilà. Et... C'est des choses qui sont difficiles à encaisser pour un garçon qui est déjà fragile comme ça, parce que je suis assez malingre, on va dire, hein, donc j'ai une puberté qui est extrêmement tardive, enfin voilà, oui. donc forcément, bah, le petit, c'est tellement facile de oui, bah, bien dessus, sûr. En fait. Voilà. Bien sûr, oui. Hein. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui du harcèlement scolaire. Voilà, exactement. Je cherchais le mot tout à l'heure. Oui. Maintenant, c'est revenu. C'est du harcèlement scolaire. Du harcèlement scolaire, voilà. Ouais. Voilà. Mais bon, tu as été malin aussi. Bon, si je reviens à cette histoire de vignette, hein, oui. Par rapport à... Je veux dire, tu as été malin. Je veux dire, pour redonner donc les vignettes à ce camarade-là, tu peux nous dire là la petite anecdote. Ben c'est un truc tout bête. Il me raconte un secret que je dois absolument pas déflorer. Je ne sais même plus le secret tellement il était bête, quoi. Voilà. Oui. Et puis il me présente un autre copain d'une autre classe et tout ça. Et puis il me dit carrément, ben, dis-lui le secret, il n'y a pas de problème, tu peux lui dire le secret, on a parié 10 vignettes, mais ça compte pas, tu peux lui dire le secret. Vraiment en me poussant carrément à révéler ce secret. Et moi, comme un idiot, évidemment, je le révèle. Oui. Et à partir de là, il dit, bah, je suis désolé, t'as rompu le pacte, donc tu me dois 10 vignettes. Et à partir de ce moment-là, toute l'année scolaire, il va me harceler avec ses 10 vignettes. Moi, je tombe sur mon père qui, évidemment, ne veut pas que je donne les 10 vignettes. Oui. Avec moi, ça serait très vite arrangé. Je lui aurais dit, j'aurais collectionné 10 doubles de vignettes. Il aurait eu les 10 mêmes vignettes. Voilà, c'était ma façon de faire, mais ça prenait un peu de temps. Et mon père a dit, il n'en est même pas question, tu lui donneras pas les vignettes. Et à partir de là, ben, ça m'a pourri toute ma scolarité. Toute ta scolarité. Ouais. Voilà. Donc, et après, ça devient du harcèlement. On t'attend à la sortie du collège. Enfin, voilà, c'est effrayant. Oui, oui, c'est sûr, c'est effrayant. Et puis, bon, bah, après, t'as pas envie de... Ah, ben, je partais la boule au ventre. Oui, tu pars la boule au ventre. Ouais, ouais, ouais. C'est comme... C'est vrai que quand... ça, les harcèlements scolaires ou harcèlement dans le travail aussi, je veux dire, voilà, tu pars en marche arrière. Hein. Enfin, oui. Tu, voilà, c'est vrai que c'est très difficile à... Ce sont des thèmes actuels qu'on retrouve parce qu'on les a vécus, mais on n'osait pas en parler à l'époque. Oui, oui, oui, voilà. Bien sûr, oui, oui, oui. Mmh, mmh. Donc aujourd'hui, ben, je me suis dit, de toute façon, je sors tout. Parce que en sortant tout ça aussi, on se guérit, on se répare, justement. J'en avais besoin. Bien sûr, oui. Ouais. J'en avais besoin. Accumuler des tonnes de non-dits comme ça pendant des années et des années, ben ça, y a un moment, effectivement, où ça fait péter les plombs, et c'est ce qui s'est passé. D'accord. Ah, mais il n'y a pas que ça, bien sûr. Bien sûr, oui. Alors moi, j'aurais voulu revenir sur, donc, voilà, sur un aspect encore un peu plus... plus sympathique, on va dire, enfin sympathique, plus, oui. Voilà, hein, de ta vie. Donc, alors, mais ça me coince un petit peu parce que on a posé la question et puis bon, ben, oh, ça fait rien. On va en parler quand même. Donc, tu as une passion. Là, on arrive dans les années, je suis en train de chercher entre 83 et 84. Des années bac, oui, oui. Oui, après des années bac que ça va se développer. Que ça va se développer et puis là, donc, tu fais la connaissance d'un chanteur. Oui, Greg. Greg, c'est ça. Oui. Hein, qui te demande... c'est une connaissance par la radio, hein, je pense. C'est ça, oui, hein, je ne me trompe pas. Hein, ouais. Je suis dans une petite radio, voilà. Après avoir été dans la grande radio du journal d'Alsace, qui s'appelait Radio Bolwerk à l'époque, j'atterris dans cette toute petite radio qui se monte au-dessus des garages où mon père parque sa voiture, en fait, et qui s'appelle Radio Muse. Oui. Et dans cette petite radio, ben, il y a des artistes en promotion qui arrivent et puis qui viennent présenter leur 45 tours, parce qu'à l'époque c'était encore des 45 tours, bien sûr. Et puis j'accueille effectivement Greg Créantor, puisque c'est son nom, qui vient me présenter donc son dernier 45 tours. Et puis, comme d'habitude, à la fin de l'interview, je termine en disant ben, « à quand le prochain ?» Oui. Voilà. C'est un truc typique de radio, ça aussi. Hein. Genre, toujours savoir le prochain. Ah ben bien sûr, oui. C'est vrai qu'on pose souvent la question. C'est normal. C'est normal, ça fait partie du job. Et puis là, il me répond ben, quand quelqu'un me l'écrira, le prochain 45 tours. Et je ne sais pas ce qui me passe par la tête. Oui. Tout d'un coup, je lui dis, pourquoi pas, moi je veux bien et tout ça. Mais le problème, c'est que tout ça passe à l'antenne. Oui. Voilà. Tout, d'accord. Je m'engage à faire un truc que je n'ai jamais fait. Et je me retrouve pieds et poings liés, quoi, en fait. Voilà, donc c'est comme ça que tout a démarré. C'est comme ça que ça démarre. Pour me faire rentrer à la SACEM, il a fallu 5 chansons, donc c'était pas une que je devais écrire, c'en était 5. 5, d'accord. Voilà. Ouais. Et puis ça a démarré comme ça, avec encore une scène une scène très comique. Oui, si tu veux. La première fois que je reçois le disque. Le premier, voilà, ouais. À le laisser au lecteur. Hein. c'est vrai que ça devait être. C'était dommage, enfin c'était la première première composition, quoi. Oui, tu reçois le 45 tours. Oui. Et malheureusement, sous la pochette, ton nom est un petit peu... Écorché. Effectivement, ils ont écorché mon nom sur la pochette et sur le disque même. Ce qui fait que, bon, on est tous un petit peu... On est fiers, hein, quand c'est le premier 45 tours, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc on prévient les copains et tout ça, tu vas voir, j'ai mon premier disque qui sort. Qui sort et tout, oui. Et ben écoute, ça te ramène à l'humilité, hein. Ah bah oui. Voilà, mais bon, c'est vrai que la leçon d'humilité, hein. La fierté aussi pour... quand on voit ben, son nom complètement écorché et que les copains n'y croient pas, évidemment, c'est logique. Bien sûr, oui. Puisque du coup, c'est plus ton nom. C'est plus ton nom qui est sur la pochette. Voilà, donc ça commençait fort, hein. Ouais. Alors, moi, j'aurais envie qu'on parle... Donc, on va citer Cindy Sanders. Sûr. Hein, bien sûr, parce que je, bon, ayant lu ton roman, tu en parles quand même beaucoup. Oui, on en a fait une petite série, une mini-série, on va dire. Oui, voilà. Oui, bien sûr, c'est vrai que... Alors, on va peut-être écouter donc le chapitre 31. Un petit extrait. Un petit extrait du chapitre 31. Chapitre 31. 24 avril 2008, Paris. Un appel déstabilisant, une histoire d'ascenseur. À l'hôtel Best Western, où nous sommes descendus avec Philippe, le petit déjeuner est déjà prêt dans la grande salle. Mais il attendra. Ce matin, encore surexcités par la soirée de Baltar, nous avons besoin de connaître au plus vite les audiences de la veille. L'audimat de la semaine dernière était en chute pour la nouvelle star. Peut-être bien que le passage de notre papillon aura fait bouger les lignes. Reste à trouver maintenant un cybercafé où se connecter à deux pas de la gare de l'Est. Et nous voilà partis au petit matin. Philippe, toi qui as habité Paris pendant tes études de cinéma, tu dois bien en connaître un dans le coin. T'en as de bonnes, toi. Pourquoi ? C'est comme si je te disais, toi qui es toujours dans la lune, tu as pensé à me ramener le drapeau que Neil Armstrong y a planté. Arrête de te payer ma tête et continue à chercher, Philippe. On va essayer les petites rues. Ici, il n'y a que des sex shops. Fais vite, je commence à avoir faim. Et passé une certaine heure, ils ne servent plus de petit-déj à l'hôtel. Au bout de 30 minutes, à disséquer le 10e arrondissement, enfin le Graal. Bon, maintenant qu'on y est, tape audience nouvelle star 23 avril. C'est bon, ça cherche. Oh oh, ça c'est excellent pour nous. Fais voir, tu prends tout l'écran. Tu veux dire que j'ai pris du poids ? Non, c'est juste pour récupérer ta part de petit-déj tout à l'heure. Au lieu de déconner, lis ça, Philippe. Meilleure audience de toute la saison Nouvelle Star, avec un pic atteint de 4 200 000 téléspectateurs lors du passage de Cindy Sanders. La journée commence super bien, voilà qui va nous mettre en appétit. À peine de retour à l'hôtel, nous sommes dérangés par un employé de la réception. « Pardon, monsieur, lequel d'entre vous est Monsieur Brenner ?»« C'est moi ?» « Excusez-moi, monsieur, une certaine Christine insiste pour vous parler. »« C'est ma compagne. Où puis-je prendre l'appel ?»« Juste là-bas. »« Thierry, je m'occupe de tes croissants. Je vais quand même pas les laisser refroidir. » À l'écart. « Allô, Christine ? Comment tu vas ? Elliot est avec toi ? Vous avez vu le show hier soir ? Je suppose que c'est pour ça que tu m'appelles. » Laisse-moi en placer une. Oui, tout va bien pour nous. Mais est-ce que tu es bien assis, Thierry ? Pourquoi tu m'appelles par mon prénom ? Habituellement, tu dis Brenny comme les potes. Parce que, Thierry, je viens d'avoir un coup de fil de ton oncle Roland. Ah bon ? Ta mère est décédée. Oh ! Au bout. Voilà, donc... Ouais. Voilà, c'était là, c'est d'un côté la surprise et le choc aussi, bien sûr. Oui, complètement. complètement. Complètement. Hein. C'est ce qu'on appelle faire du yo-yo émotionnel. Oui. La veille, l'artiste pour lequel on a travaillé. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouf, ouais. Elle est à la une de tous les quotidiens et tout. On est invité le jour même, le lendemain, enfin le jour où j'apprends la mort de ma mère, on est invité quand même sur le plateau de Michel Denisot. Hein. Oui. Bon, nous en tant que public, mais elle en tant qu'artiste invitée. En tant qu'artiste. Voilà. Bref, on est dans un monde complètement fou, quoi, un véritable tourbillon autour de nous de bonnes nouvelles, et puis boum. Il y a ça. Voilà, c'est. Ouais, ouais. Voilà. Et après, on racontera pas plus là-dessus parce que sinon, ce serait déflorer un petit peu la suite du chapitre. Oui. Mais mais c'est vrai que ce yo-yo émotionnel, c'est à vivre. Hein. Ah, c'est sûr. Oui. Non, mais c'est vrai qu'au départ, bon, vous êtes. Enfin, tu es bien, quoi. Je veux dire, voilà, tu assistes. Ah, oui, complètement bien. Moi, je suis en pleine euphorie, hein. Ce qu'on est en train de vivre, c'est complètement dingue. C'est je veux pas dire que c'est le rêve d'une vie, mais enfin, c'est quand même une part de concrétisation après avoir pendant des années galéré, proposé des chansons, se les voir refuser et tout. Oui, oui. Et là, on arrive avec notre petite chanson et tout d'un coup, on fait le buzz de toute la saison, quoi. Voilà. Ouais, oui. Mmh. Ok, Thierry. Alors, moi, je te propose. Pour souffler un petit peu, donc d'écouter une chanson. Ben volontiers. Alors écoutez une chanson de Léa. Eh ben on en parlera après. Je te laisserai en parler après. Alors je te dis tout de suite, oui. C'est une exclue, hein, parce que personne n'a encore entendu. Hein. D'accord Thierry, ben je te remercie pour l'exclu. Ça, c'est pas la première fois d'abord, hein, d'ailleurs que tu me pour les exclusivités. Donc ça s'appelle Sol comme la Motown. Voilà, Sol comme la Motown. Mais on en reparle après. On reparle après. On écoute. Michigan, de quoi me faire pâlir. Moi qui aime quand ça vibe et quand ça envoie, fais en sorte dans ma life de me laisser sans voix. Et ça sonne ça comme la Motown dans un garage de Detroit. Et ça sonne ça comme la Motown quand les machines vont visser en dessous. Quand tu pousses à fond le sang, tu veux réveiller bonhomme, les légendes de la sorte. Lieu des ombres sur les murs, rêve de voir sous les voitures, dans les flaques d'huile de moteur, tous les visages de la Motown. Sound so comme la Motown dans un garage de Detroit. Et ça sent ça comme la Motown quand les machines vont comme un fou. Et supprimé les commodores, pris possession de ton corps. Encore ça sent sol comme la Motown. Sol comme la Motown, baby. Et ça sent sol comme la Motown. Sol comme la Motown. Dans un garage de Detroit. ça sentit comme la mode dans que les machines vont poser dans le dessous. Yeah, ok. Yeah, come on babe. Yeah. Léa, Soul comme la Motown. Alors ça, c'est Soul comme la Motown, oui, exactement. Motone. Ça, c'est un nom qui nous parle, la Motown. Oui, ben bon, moi j'adore la soul music. Oui. Et puis bon, bah, j'ai eu le plaisir donc de rencontrer Léa qui a gagné un concours de chant. Ça fait maintenant 4 ans de ça. Oui. Voilà. Mmh. Et puis j'étais pas dans le jury, mais en discutant un petit peu avec l'organisateur Damien, oui. Il m'a proposé en fait de lui écrire une chanson. Et moi, tout de suite, j'ai dit oui, bien sûr, quand j'ai entendu la voix, j'ai dit oui, il y a quelque chose. Maintenant, ce qui s'appelle développer des artistes, c'est prendre son temps pour le faire. Donc je l'ai découverte à 14 ans, elle en a 18 aujourd'hui, et maintenant, oui. Elle est totalement mûre pour y aller. D'accord. L'album okay. est prêt. Okay. Voilà. Comme je disais... Tout à l'heure, hein, c'est vrai, je disais, bah, tu écris pour tous les univers musicaux. Oui, totalement. Parce que bon, j'ai eu beaucoup d'artistes que j'ai reçus à la radio dont tu as travaillé avec. C'était des chansons romantiques, c'était oui, des chansons... Oui, on me connaît beaucoup. Alors, par exemple, en Alsace, oui, on me connaît sûr. Énormément pour toutes les chansons romantiques, des chansons de Jean-François Valence, ouais. Touché de Toscan, Cathy Alan Segal. Enfin, voilà, il y a énormément de chansons comme ça qui sont passées un petit peu sur de nombreuses radios que les gens reprennent, par exemple, dans les bals. Mais ce n'est qu'une petite facette du personnage. Oui. Voilà. Mmh. Parce que j'ai aussi fait de la comédie musicale, j'ai fait plein de choses en fait. Et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, justement, de toucher à tout et puis d'essayer de faire de son mieux. Bien sûr. Dans chaque catégorie, en peut-être fait. Tu t'investis beaucoup, parce que hier, quand on a un petit peu préparé l'émission, on le dit comme ça, un petit peu en oui, aparté, oui, oui, quand on fait, a préparé peut... un peu l'émission hier, tu m'as fait aussi écouter une de tes futures écritures hein, pour un artiste, mmh. Voilà. C'est vrai que... Complètement, qui a été retenue ce matin, d'ailleurs. Ah, d'accord. Oh, bah, c'est... c'est une bonne nouvelle, Thierry. Juste changer le titre. D'accord. C'est une belle nouvelle. Voilà. Alors voilà, donc ce qu'on peut dire, hein, donc la Motown, il faut dire aussi que c'était donc un studio d'enregistrement. Oui, c'est toute une ville, hein, c'est la ville de Détroit qu'on appelle Detroit, ouais. Aux États-Unis en fait, et qui est la ville où Ford a développé l'industrie automobile en fait. Ah, d'accord. Voilà. Et donc il y a tous ces studios qui se sont avec ce son très particulier, ce son qui a amené plus tard le disco, le funk, enfin voilà, la soul, c'est la musique de l'âme en fait. Bien sûr, et il y a un artiste qui me vient à l'esprit comme ça, c'est Claude François. Ah ben, qui allait enregistrer. De toute façon, il a repris énormément de soul music. Il était d'ailleurs très très axé sur la soul music en fait. Voilà, oui, c'est vrai, oui. Et puis il faisait beaucoup de reprises. Ça ne plaisait pas autant que ce qu'il faisait dans la variété, on va dire. Donc il s'est un petit peu enlisé, puis comme c'était beaucoup de reprises, ça n'apportait rien de nouveau. À part, évidemment, c'est la même chanson. Des classiques, on va dire. Mais pendant un moment, il est resté un peu dans cette période soul music, et les Français n'étaient pas prêts pour ça. Bien sûr, oui, il était aussi peut-être un petit peu perdu par rapport à ses débuts, enfin les débuts où oui, on va fait. Dire belle, mais après c'est vrai qu'il a oui. il a pris beaucoup de il écoutait beaucoup de choses, hein, il écoutait beaucoup de choses qui venaient outre-Atlantique, etc. Mais absolument, hein. Donc voilà, il voulait être à la mode les États-Unis, hein. Ouais. Oui. Mmh. Oui, complètement, on en parle d'ailleurs de Claude François, et c'est pas pour rien, parce que oui. C'était mon chanteur préféré à l'époque, on avait tous un chanteur préféré. C'est vrai, Thierry, c'est vrai, je me souviens, avec les posters, tout ça, mais je pense que ça fera l'objet d'une prochaine, hein, voilà. Oui, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, si on parlait maintenant aussi, des choses qui viennent de plus en plus, ça vient de plus en plus souvent, on vit dans un monde de fous. Oui. Hein, c'est vrai. Donc il y a ce chapitre 31. Oui. Chapitre. Excuse-moi. Ce chapitre 57, c'est un match de foot. Ah, oui. Alors. Voilà. Alors, donc, il faut expliquer quelque chose au lecteur. Je t'en prie. Ouais. C'est que je suis en train de rédiger ce livre dans mon salon, qui est d'ailleurs toujours en désordre. Oui. ça n'a pas beaucoup changé. Mais voilà. Donc, et dans ce salon, j'écris effectivement mon livre manuellement avec mon petit bic bleu à la main. Voilà. Oui. Hein, je suis parti évidemment au départ sur mon histoire personnelle et tout ça, mais je réagis à l'actualité. Oui. Et quand l'actualité est dense, ben ça donne des choses aussi. Voilà. Donc je pense que il faut écouter le chapitre tout simplement. On va écouter le chapitre, Thierry. On ne va pas en dire plus, d'accord, vous allez comprendre, ouais. C'est quelque chose qu'on a tous vécu. Et je voulais juste rajouter que les artistes sont toujours sensibles. Oui. Hein, et bon, et c'est sûr que même si c'est des choses négatives, ou je ne sais pas, ça donne peut-être aussi... mais après, on en parlera de toute façon, ça donnera oui, après... Oui, on est très, très réactifs. Oui, fait. Très réactifs. C'est des choses qui... quand il se passe quelque chose de grave ou n'importe, on le ressent immédiatement, on le vit. Oh, ouais. On a besoin aussi de s'en débarrasser. Voilà, et donc d'où une chanson, d'où une chanson qu'on écoutera après, hein, on en parle oui, après. Complètement, on peut même la faire suivre d'ailleurs, ça donnera tout à fait le... On la fait suivre tout de suite après le chapitre parle après. Ouais, d'accord. C'est juste pour indiquer à Mika si... Voilà. 2015-2016... Une nouvelle génération d'artistes, partie 2. Ce 13 novembre, comme des millions de Français, je regarde France-Allemagne, le match amical de football diffusé en direct sur TF1. Je précise à certaines personnes que je ne nommerai pas qu'aimer la musique et le sport n'est pas forcément incompatible. Je sais reconnaître le talent et les beaux gestes des deux équipes et suis loin d'être un supporter décérébré qui ne serait pas capable de faire la part des choses. Il faut savoir accepter de gagner ou perdre avec fair play. Même si cette rencontre ne compte pour aucune qualification, l'affrontement de ces deux grosses équipes promet d'être palpitante de bout en bout. 21h17, alors que le score est encore vierge et que l'équipe de France fait tourner le ballon autour des cages de Manuel Neuer, le goal allemand, un bruit assourdissant retentit à l'extérieur du stade comme l'explosion d'un énorme pétard, bientôt suivi par une deuxième détonation 2 minutes plus tard. Si ce sont des supporters qui manifestent leur joie, ils sont sacrément excités ce soir et suréquipés en énergie explosive. Le match se poursuit et la France remporte la rencontre sur le score de 2-0, but de Giroud et de Gignac. Mais ce n'est qu'au moment de rendre l'antenne à la régie finale de TF1 que les deux commentateurs nous informent qu'il se passe quelque chose de grave dans la capitale. Paris serait apparemment sous les feux de terroristes. Un flash spécial de la rédaction devrait nous en apprendre plus dans quelques secondes. La suite de cette soirée va virer au cauchemar en direct. Les caméras de toutes les chaînes d'infos nous rendent compte minute par minute de la fusillade qui a éclaté dans la salle de concert du Bataclan. À cette heure, on compte déjà plus d'une dizaine de morts sur les terrasses des cafés aux alentours. Nous basculons à ce moment-là dans la plus tragique des séries hollywoodiennes, et les caméras ne sont pas celles d'un réalisateur comme Jean-Pierre Mocky qui s'époumonerait à scander « Moteur !» avant de tourner sa scène. Après l'épisode sanglant des locaux du journal satirique Charlie Hebdo en janvier dernier, le pays sombre à nouveau dans la folie meurtrière du terrorisme programmé. Totalement choqué par les images que je suis en direct jusqu'à très tard dans la nuit, je suis pris d'un abattement soudain, comme privé de souffle devant une telle violence. Pour quelqu'un qui prône la bienveillance et l'empathie, un tel déchaînement des forces du mal est contraire à tous mes principes. Le jour qui suit, je finis par lâcher mon stylo, incapable de reprendre l'écriture de l'album Le Cœur Riche, atomisé par la violence de l'événement. Tout le pays se lève, les yeux hagards, sonné comme un boxeur après un uppercut qu'il aurait envoyé au tapis. Les échanges que j'ai au téléphone avec des artistes et avec Elliot ne tournent plus qu'autour de cet unique sujet. C'est certain, je dois tout faire pour me vider la tête de ces émotions qui m'enserrent et coucher sur le papier tout ce que je peux ressentir. Il est nécessaire qu'elle quitte mon corps en train de développer un nouvel accès de fibromyalgie qui va m'enfoncer davantage encore. Alors, je me mets à gratter tous ces mots qui se bousculent en mon fort intérieur et dont les fortifications s'éboulent dans un grondement sourd, me laissant dans la plus totale des confusions. Quand soudain, nouveau coup de téléphone. « Thierry, c'est Maisin. Tu as vu ce qui s'est passé hier soir ?»« Je n'ai pas de nom pour qualifier ça. C'est épouvantable. Et tous ces jeunes qui se trouvaient là, ils avaient rendez-vous avec leur destin. Mais pas comme ça. Pas déjà. J'aurais bien envie de te demander quelque chose. » »« Je crois que j'ai deviné. » Toi qui sais si bien trouver les mots, on ne peut pas rester sans réaction, tu comprends? Je sais bien. Mais c'est trop tôt. Ça pourrait passer aux yeux de certains pour de la récupération. Mais c'est totalement sincère. Je n'en doute pas. Mais pour le moment, ma réponse est non. Attends, il ne s'agit pas de commercialiser la chanson, mais simplement guérir les âmes. Là, c'est différent. On va l'écrire, ton titre. Mais hors de question qu'il figure sur ton nouvel album. D'accord? Promis. Bon, laisse-moi maintenant. J'ai besoin de regrouper tout ce qui arrive par wagon entier dans ma gare de triage. Je lui raccroche un peu hâtivement, trop envahi par cette profonde détresse qui est mienne et qui va m'amener à écrire « Prix Paris ». Café, une soirée ordinaire. Il fait plutôt doux pour la saison. Autour de nous, les terrasses sont pleines. Ajoute un glaçon dans mon verre. Cette ville qui dort jamais, les paupières, tu n'es pas en train de rêver. Prie Paris, prie Paris, pour toutes ces âmes, n'est jamais l'oublier. Prie Paris, prie Paris, prie Notre-Dame, tous ces enfants qu'on t'a pris. Bientôt commencer, c'est vrai. jamais ferme mes paupières. Je suis en train de rêver de l'hiver et cette ville qui dort jamais. Je ferme tes paupières, tu es en train de Paris. Voilà Thierry. C'est de l'émotion. Ah oui, bien sûr, oui. Ah, c'est, même quand je l'entends encore aujourd'hui, elle me bouleverse toujours, cette chanson, en fait. Je me rappelle que quand j'ai appelé Mézine pour lui transmettre la chanson, parce que Mézine est le compositeur, et oui. Gaël Birgin, qui venait de The Voice saison 3, l'a accompagné dans ce duo, en fait. Et quand j'ai appelé Mézine, je tremblais encore. Ah, d'accord. Ouais, voilà, j'étais okay. En train de trembler, en train de lui lire juste le texte. D'accord. Voilà. Et tu as eu une question, Thierry. Tu as mis combien de temps pour écrire ce texte ? Ça n'a pas mis longtemps. Ouais. Ça n'a pas mis très très longtemps parce que j'étais porté par l'émotion. Et oui. Là, quand j'écris des choses comme ça, je suis guidé, en fait. C'est plus moi. J'ai l'impression que mon stylo glisse tout seul sur la feuille. Oui, je comprends bien. Ouais. Alors, Thierry, tu sais qu'on est là aussi pour la promo. Oui. Hein ? Donc, alors, tu vas nous dire comment on se procure ton autobiographie intitulé Alors, comment au bout. Mon autobiographie, eh bien, tout simplement par Amazon. Oui. Voilà. Vous allez sur le site d'Amazon, vous tapez Thierry Brenner au bout, et puis vous me trouverez sans aucun souci. Vous pouvez me trouver également sur ma page Facebook Thierry Brenner auteur parolier. Oui. Hein. Oui. Et puis bientôt, ben, je l'annonce parce que voilà, c'est en cours de réalisation. Ah oui, oui, mais oui. Ça va bientôt venir. Vous allez bientôt pouvoir vous le procurer également sur le site qu'on est en train de monter avec un ami. Voilà. D'accord, ok. Et bon, moi je précise aussi que les personnes qui t'achètent ce roman, oui, donc sont sympas et font une petite photo. Ah, c'est adorable. Ils sont adorables. Ah oui, avec donc avec ton roman, hein. Oui. Voilà. Et puis tu postes bien sûr leur petit commentaire et la photo sur ton Facebook. Il y a aucun problème de ce côté-là parce que c'est vraiment je trouve ça adorable. On est toute une communauté que j'appelle sympathiquement mes boutistes. Oui, c'est vrai. T'es boutiste. oui. Et puis bon ayant vu, il y en a déjà quand même pas mal des boutistes. Hein, il y a pas mal de boutistes. Il y a pas mal de boutistes. Hein. Il y a tous ceux qui n'envoient pas la photo parce que ils ne savent pas en fait tout simplement. Ils savent effectivement. Ils se procurent le livre sur le site Amazon, mais ils ne savent pas que derrière il y a tout un groupe qui s'est monté, un groupe public dans lequel vous pouvez tous venir en fait. Il n'y a pas de problème. Et je précise aussi. Avec bienveillance. Bien sûr, je précise aussi. Bon bah que tu bon par quelques tu touches aussi le Canada. Oui. Tu touches la Suisse. Oui, l'Allemagne. L'Allemagne. Ouais. Voilà, ça s'ouvre un petit peu. Ça s'ouvre un petit peu. Ça s'ouvre un petit peu partout. Donc c'est plutôt c'est quelque chose qui est en train de bouleverser ma vie. Hein. D'accord. Donc amis auditeurs auditrices, amis Facebookiens, je dirais, si vous vous procurez le livre de Thierry Brenner au bout, n'hésitez pas, faites la petite photo. Sympa. Bon, je sais qu'il y a des gens qui sont un peu timides des fois, mais. Ah mais on a aussi des photos anonymes. Ah oui, d'accord. On connaissait les alcooliques anonymes, maintenant on connaît les photos anonymes. Les photos anonymes. Ce sont des gens qui ont posé, par exemple, sur un chariot dans un aéroport, ils ont posé le livre, ils ont fait une photo, ils me l'ont envoyé, mais ils ne voulaient pas apparaître, tout simplement. Mais c'est très drôle, alors comme je dis, j'ai dit, bon, ben, voici les photos des boutistes anonymes. D'accord, ben, de toute façon, on avait une petite idée avec Mika, là. Tout à l'heure, parce que bon, ben, on devait faire une photo hein, avec oui. Avec l'IA qu'on salue, qui est un petit peu patraque, on lui souhaite un, bon, qu'elle prenne soin de soi. Voilà. Donc, mais avec Mika, on en a parlé un petit peu avant l'émission, donc on va refaire une petite photo comme ça. Eh bien, ce sera avec grand plaisir. Hein, c'est ça, voilà, Thierry. Donc, voilà, écoute, l'émission touche à sa fin tout doucement. Oui. Hein, mm-hmm. Voilà, bon, je pense qu'on a déjà été un petit peu, on a déjà un petit peu vu quelques chapitres. Hein, On ne peut pas les faire tous. Hein, on ne peut pas les faire tous. C'est quand même 80. Voilà, mais donc on a décidé quand même qu'on ferait une autre émission. Ah ben c'est gentil. On fera une autre émission, donc on reste en contact et on verra à quel moment. Oui, sans doute l'an prochain. Alors, sans doute l'an prochain, ouais. De repréparer quelque chose. Bien sûr, oui. Et voilà, donc, moi Thierry, je voulais te remercier. Mais c'est moi, en tout cas. D'avoir été avec nous cet après-midi sur Radio Gemozo dans les années bonheur. Mais c'était du pur bonheur, d'ailleurs. Voilà, et moi, ça m'a fait vraiment plaisir. Hein. Tu sais que tu fais partie du top, comment je dirais ça, du top 10 de mes invités, parce que bon, comment dire, j'ai eu des fois un invité qui est venu plusieurs fois. Mais c'est pas péjoratif, hein, ce que je dis là. C'est tout à fait gentil. Hein. Donc, tu fais partie, je dirais, des fidèles. Et ça, j'aime bien. Eh ben, écoute, c'est très... C'est très gentil, et puis voilà, je réponds toujours avec, beaucoup de gentillesse à ton invitation, il n'y a pas de problème. Et moi je suis sûr, encore, j'ai encore terminé vite, dire une chose, je suis sûr que peut-être que pour les deux mois qui restent là, je suis sûr que je vais encore faire des émissions avec les artistes avec lesquels tu travailles. Ah, il est probable que tu aies des gens que je connais bien. Que tu connais bien. J'avais fait ça en 2017, je crois. Le temps passe tellement vite, on ne sait plus. Oui. Mais je sais que j'avais terminé l'année avec les artistes. Je pense à Michael Ferrer, ou Léa peut-être. Voilà. Ouais. Et puis Marine aussi, voilà. Hein, c'est en préparation. Merci beaucoup, Thierry. Ben, merci. À très bientôt. Merci à tous et merci aux auditeurs. Ok. Bye bye. Bye bye. Voilà, amis auditeurs, auditrices, l'émission se termine. Je vous retrouve. Alors, merci Mika pour la technique. Merci Gilou, ainsi que Thierry. Ainsi que Thierry, voilà. Et je vous retrouve la semaine prochaine dans les années bonheur. Bye bye à tous, portez-vous bien. Au revoir. Chanson dans le cœur, une mélodie en accord majeur, un rythme qui sonne, des mots qui résonnent, un refrain que l'on fredonne. C'est la musique qui nous rassemble, qui nous fait chanter, danser ensemble. Un air de guitare, un piano dans un bar, un musicien qui joue dans le noir. Chantez pour tous ceux qui s'aiment, chantez pour les cœurs qui saignent, chantez les joies et